بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le jeudi 9 du mois Al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 27 juillet 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, afin de poursuivre ensemble cette série au sujet de l'athéisme. Donc on a commencé à parler de la théorie de Darwin. On a parlé brièvement de cette théorie. Darwin, qui est né en 1809 et décédé en 1882, dit clairement qu'il n'a jamais nié l'existence de Dieu. Il a dit « Je crois à la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. » Et on a cité quelques-unes parmi les lacunes de cette théorie et nous allons poursuivre à l'étudier de plusieurs points de vue, Inch'Allah ta'ala. Donc, avant de parler de ça, il y a quelqu'un hier qui s'est posé la question, Nana, le temps dans ses cours, il est très limité. Je commence après une salat et je termine avec une autre salat. Donc je suis limité et c'est le seul créneau qui m'est possible actuellement. Donc, c'est pour ça que je m'excuse si je ne réponds pas à certaines des questions. Hier, j'ai vu une question au sujet de la moralité. Au sujet de la moralité. Donc, pour expliquer ce point, d'abord, je commence par une parole, comme je vous avais promis, de commencer par des paroles des grands athées de notre époque. Aujourd'hui, nous allons citer une parole de Stephen Hawking. Stephen Hawking, le célèbre physicien très connu, un des plus grands athées de notre époque et sur lequel s'appuient beaucoup d'athées afin de légitimer l'athéisme. Il a dit « The human race is just a chemical scam on a moderate-sized planet. » Il dit « L'espèce humaine n'est qu'une saleté chimique se trouvant sur une planète de taille moyenne. » Cet homme, malgré le caractère étrange et choquant de son propos, mais c'est un scientifique qui reste en cohérence avec sa croyance, contrairement à ceux qui se contredisent et qui prétendent être des athées et reconnaître les valeurs humaines. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit « L'espèce humaine n'est qu'une saleté chimique, car l'être humain, dans la doctrine de l'athéisme, l'être humain n'est pas plus qu'une matière, un ensemble de molécules et d'atomes qui sont le fruit d'interactions chimiques hasardeuses, aléatoires, et qui a donné ce qu'on voit devant nous aujourd'hui. C'est ça l'homme pour eux. Et ce qu'il dit, c'est l'aboutissement inévitable de l'athéisme. Et ce n'est pas un avis personnel qu'il exprime ici. Ça, c'est l'aboutissement et la conséquence inévitable de l'athéisme. Donc, pour mieux comprendre cette notion, imagine que tu as reçu un message, un SMS de la part de ton frère sur WhatsApp. Ou tu as reçu un message tout simplement, dans lequel il t'invite à venir en famille pour manger le dîner chez eux. Est-ce que ce message, la question que je te pose, est-ce que ce message a un sens pour toi? La réponse, oui. Est-ce que ce message a une certaine valeur pour toi? La réponse, oui. Est-ce que tu vas agir en fonction de ce message? Bien évidemment, oui. Sauf si tu as des problèmes avec ton frère. Mais tu as reçu un message d'un expéditeur bien connu qui est ton frère, dans lequel il y a un message clair, une invitation au dîner. Normalement, ça a de la valeur et ça a un sens et tu vas en tenir compte. Maintenant, imaginons un autre cas. Tu as laissé ton téléphone sans le verrouiller, tu l'as laissé dans ta poche, avec d'autres objets. Il est resté pendant un certain nombre de temps. Et le clavier s'est activé tout seul. Et ça a commencé à taper avec tout ce qu'il y a dans la poche. Yani, imaginons, ça a tapé un millier de lettres. Un millier de lettres. Ça a été écrit tout seul, comme ça nous arrive souvent. Tu ouvres et tu trouves dans les messages, il y a un message qui est en train de s'écrire et dans lequel il y a des lettres écrites comme ça d'une manière aléatoire. Maintenant, les mêmes questions. Est-ce que ce message aura un sens pour toi? La réponse, bien évidemment, non. Car il n'a pas d'expéditeur connu. Un expéditeur qui sait ce qu'il fait, ça c'est le hasard et la coïncidence. Et puis, imaginons dans ce message aléatoire, tu trouves la même phrase. Je t'invite ce soir au dîner. Est-ce que tu vas donner de l'intérêt à cette phrase? Est-ce qu'elle aura la même valeur que la phrase suivante qui est envoyée d'un expéditeur qui sait ce qu'il fait? La réponse, bien évidemment, non. Tu ne vas pas en tenir compte. Et ça n'aura aucun sens. Même si c'est une phrase en elle-même qui a un sens. Mais dans un texte d'un millier de lettres écrites aléatoirement, ça n'aura aucun sens. Alors, il faut savoir que les bonnes moralités chez les athées, c'est... Comprenez bien une notion. Pour que quelqu'un ne vienne pas me dire « Non, moi je connais un athée qui n'est pas comme ça. » Je ne parle pas des individus. Je parle de cette croyance, de cette religion, de cette doctrine, de ces principes et de ses implications. Maintenant, un athée qui n'a pas compris son athéisme, c'est son problème. Là, quand on parle des savants et des scientifiques, qui suivent ce courant et qui adhèrent à cette religion, bien évidemment, tu ne vas pas trouver ces contradictions, sauf s'ils cherchent à les cacher. Comme quand ils sont invités sur des plateaux de télé, bien évidemment qu'ils ne vont pas choquer les gens à leur dire ces choses-là, qu'on est en train de lire dans leurs livres. Ils ne vont pas les dire parce que ils vont les faire fuir. L'homme, de par sa nature humaine, il n'accepte pas ces choses-là. Comme bien même il ne croit pas en un Dieu, c'est difficile pour lui de croire en ces choses-là. Et c'est pour ça que nous allons arriver, après avoir terminé avec la théorie de Darwin, nous allons parler des différentes contradictions et sophismes de raisonnement dans l'athéisme. Donc ce message n'aura aucune valeur. Pour les athées, ces sentiments que tu puisses éprouver, par exemple de l'affection pour tes parents, de l'amour, de la bonté envers eux, envers tes enfants, ils disent tout ça, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est comme cette petite phrase qui est écrite en plein milieu de ce texte, aléatoire. Ça n'a pas de valeur. Parce que c'est pas, ça n'a pas été enseigné, ça n'a pas été, ça provient pas de la matière. La matière, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de moralité. Comment elle va produire quelque chose qui a des valeurs et des moralités? Ça, c'est tout simplement des mutations aléatoires qui ont donné lieu à ces sentiments. C'est des mutations aléatoires qui ont donné lieu à ces sentiments. C'est pour ça l'athée, il se doit d'être neutre face à ses valeurs et ses moralités, comme bien même il les ressent lui-même. Il doit être neutre. Moi, j'ai choisi de ne pas commettre l'inceste, mais c'est pas pour autant que je dois blâmer celui qui le commet. On se doit d'avoir, yani, d'être neutre face à ses valeurs. Comme les animaux exactement. Est-ce que vous connaissez l'inceste ou, yani, le meurtre ou le crime dans le monde des animaux? On ne parle pas de ces notions-là. Car c'est un monde sans valeurs humaines et sans moralité. Ils disent que le monde des hommes, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc, même s'il apparaît une écriture aléatoire, quelque chose ayant un sens, il n'aura pas de sens pour toi. Et il n'aura pas de valeur. Ça, c'est le même phénomène dans l'athéisme, où il croit que l'être humain n'est que le fruit d'une mutation aléatoire, un ensemble d'interactions chimiques hasardeuses. Il n'y a pas de place à la moralité ni aux valeurs humaines. Donc, pour compléter ce point, il faut savoir que dans l'athéisme, le sentiment du bien et du mal, la bonté, comme j'ai dit, envers les parents, envers les orphelins, les démunis, tout ça, ce n'est que le fruit de mutations aléatoires. Des mutations génétiques aléatoires et n'a aucun sens de la même façon que ce qui a été écrit, ayant un sens dans un texte n'ayant pas de sens. Par contre, en islam, nous croyons en un créateur suprême, transcendant, avec des attributs parfaits. Et il nous a créé, il nous a ordonné d'acquérir et de se conformer à des valeurs et des moralités qui sont en adéquation avec les siens, avec les valeurs du créateur. Le Créateur est équitable et juste. Il s'est interdit à lui-même l'injustice. Il l'a interdit à ses serviteurs. Il est miséricordieux. Il leur a ordonné la miséricorde. Il ne dit que la vérité. Il leur a ordonné d'être véridique. Il leur a interdit le mensonge. Mais l'athée, pourquoi il va s'interdire le mensonge? Pourquoi il va pas mentir? Pour quelle raison? Comme on a vu précédemment. Et aussi, ce créateur, après avoir prédisposé ses serviteurs à l'amour de ses moralités et à détester le reposé. Et ça, tu le sens, tu le ressens en toi-même. Un amour du bien. Et tu détestes le mal. Et ceci n'est pas en contradiction que le fait que certains parmi ces hommes peuvent aller à l'encontre de ces moralités en suivant leurs passions, en cherchant à assouvir leurs désirs et envies. Car la base, c'est cette nature humaine saine et cette prédisposition sur laquelle a été créé l'homme. C'est pour ça que tous les hommes, sans exception, ils naissent sur cette nature humaine saine. Personne n'est né criminel, ni mécréant, ni athée. Tous sont nés sur cette prédisposition humaine naturelle saine. Et après, c'est l'environnement qui va corrompre notre nature humaine saine. Donc l'existence de ces valeurs chez l'homme, d'une manière innée, est expliquée en islam. L'amour du bien, la détestation du mal, tout ça est expliqué dans la religion de l'islam. Et sachez que quand je parle de religion, je ne parle que de la religion de l'islam. La seule religion aujourd'hui sur terre qui appelle au monothéisme. La seule religion, et je pèse bien mes mots, il n'y a pas de religion qui appelle au monothéisme. C'est la seule religion qui permet à l'homme d'être en harmonie avec sa nature humaine saine. Croire en une divinité unique, le Dieu créateur de toutes choses. Donc, tout ça, tous ces phénomènes sont expliqués en islam. Allah nous a créés et a prédisposé en nous ses valeurs et ses notions. Tout est expliqué. Et l'explication de tout ça, c'est l'existence d'un créateur. Écoutez ce propos de Lawrence Krauss, un Américain, et ça vous pouvez le trouver sur YouTube, qui a été interrogé par un musulman dans un débat public, pourquoi il considère l'inceste comme une erreur? Sur quelle base, sur quels critères il s'appuie pour arriver à cette déduction? C'était ça sa question, à ce musulman. La réponse, et comme sa réponse, il a dit, je ne crois pas que l'inceste est un mal, est une erreur. Il a dit, je ne crois pas que l'inceste est un mal ou une erreur. Et pour arriver à cette déduction, pour bien comprendre pourquoi ils arrivent à des déductions semblables, et comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est que la moralité dans l'athéisme est complètement neutre. Toi, tu fais une chose, c'est un bien pour toi. Moi, je n'ai pas de problème avec ce que tu fais. Mais je fais l'inverse, t'as pas le droit de me juger et de dire que c'est un mal. Tu dois être neutre également. Car la matière et la nature sont neutres face aux moralités et aux valeurs. C'est pour ça qu'il a répondu, il a dit, il ne me paraît pas que c'est une erreur en parlant de l'inceste. Et là, les gens, c'est des Américains, ils étaient choqués. Après, un autre athée s'est exprimé sur Twitter par rapport à cette réponse de Krauss. Le deuxième, c'est un des plus connus, un des athées les plus connus de notre époque, qui s'appelle Richard Dawkins. C'est peut-être l'athée le plus célèbre à notre époque et le plus médiatisé. Il a dit, en décrivant le raisonnement de Krauss, en réponse à ce musulman, comme étant un raisonnement logique, mais semblable à des pierres jetées devant un port. Donc, pour lui, ce que Krauss a dit, qui ne pensent pas que l'inceste est un mal, c'est un raisonnement tout à fait rationnel. Mais il l'a présenté devant des gens qui ne comprennent pas et qui n'ont pas de logique et qui sont bornés. Malgré que lui, dans un de ses livres, L'illusion de Dieu, dans ce livre, il a expliqué qu'il ne pratiquait pas l'inceste, ni le meurtre. Il ne pratiquait pas ces choses-là. Mais, c'est pas, il les pratique pas parce que c'est des bonnes moralités ou des mauvaises. Il les pratique pas et il ne juge pas mal ceux qui le font. Il ne juge pas mal ceux qui le font, comme son ami Krauss. Car il explique que c'est des phénomènes qui sont dans la nature. Et l'homme ne doit jamais oublier que c'est un animal comme tous les autres animaux. Ce même Richard Dawkins qui défend l'infidélité entre les époux mariés, il prétend que c'est pas une erreur. C'est pas une erreur d'être infidèle et de tromper constamment son épouse. Et que l'épouse, qu'elle fasse de même, c'est pas un mal. Pourquoi? En partant du point de vue que aucun des époux n'appartient à l'autre. Pourquoi il lui soit interdit de pratiquer avec une autre personne? Regardez les raisonnements de ces gens-là. Donc si vous choisissez l'athéisme, sachez au moins dans quoi vous êtes entré et dans quel monde et qu'est-ce qui vous attend et quelles conséquences fatales aura cette croyance. Et ça, nous allons le voir avec des exemples concrets et avec des chiffres. Donc pour revenir à la théorie de Darwin, un scientifique expérimental qui s'appelle Cole Clotes, il dit que croire en l'évolution nécessite beaucoup de naïveté. Croire en l'évolution nécessite beaucoup de naïveté. Car ça n'a rien de scientifique. Cette théorie n'a rien de scientifique. La perfection et la minutie, la grande minutie que vous constatez chez toutes les créatures, sans exception. Est-ce que tout ça peut être le fruit du hasard et un phénomène totalement aléatoire? Donc, si on suppose que la sélection naturelle permet de garder le plus apte et le plus adapté, comment expliquer la beauté dans les créatures? Comment expliquer la beauté? Ça, c'est des questions, tout ce que je vous dis, c'est des questions auxquelles les athées n'arriveront jamais à répondre. Comment expliquer la beauté? Donc la nature, elle garde le plus fort, le plus apte, le plus adapté. Mais pourquoi ce phénomène de beauté que nous constatons dans toutes les créatures? Si tu prends un exemple comme le paon ou le papillon d'ailleurs, je vous invite vivement à regarder les différentes phases par lesquelles passe le papillon. Le papillon, il commence en étant un œuf et ensuite il se transforme en une chenille, une larve qui va passer à un stade extraordinaire. Elle passe par une phase où elle devient un chrysalide. Ce chrysalide et cette phase, elle est impressionnante chez le papillon. Donc cette chenille, elle va se construire un cocon un cocon, ce qui, yani, c'est comme une protection à l'intérieur de laquelle elle va rentrer après avoir atteint une certaine taille. Elle rentre dans ce cocon et impressionnant le phénomène qui se passe à l'intérieur. Donc la chenille, c'est comme si elle va vers son suicide, vers sa mort. Car à l'intérieur, elle va se transformer et en un liquide de protéines. Elle se transforme en un liquide à l'aide d'enzymes qu'elle possède. Et après, il va y avoir une métamorphose dans les formes et les formes de cette chenille. Et ça va donner le papillon. Et ensuite, ce papillon, il va sortir et avant d'arriver à s'envoler, il passe par des phases également. Mais cette phase de la chrysalide, si vous l'observez et vous regardez comment ça se passe, c'est un phénomène incroyable. Qui a enseigné à cette chenille d'entrer et d'aller en quelque sorte dans sa tombe? C'est comme si elle va dans sa tombe. Et ensuite, elle se métamorphose en un papillon très beau, merveilleux, sublime, avec des couleurs variées et des formes également variées. Comment expliquer cette beauté dans la création? Comme j'ai dit, ça, c'est des questions auxquelles les athées n'arriveront jamais à répondre. Il faut savoir que cette théorie, elle est basée sur des spéculations et une imagination illusoire. Ce n'est que de l'imagination et que de la spéculation, car on n'a pas trouvé de fossiles pour les étapes intermédiaires. Et ils ont tellement hâte d'en trouver. C'est pour ça, en 1922, Grégorien, dans l'état du Nebraska, aux États-Unis, ils ont trouvé une dent. Et certains scientifiques ont prétendu que cette dent appartient à une créature ayant des caractéristiques communes entre l'homme et le singe. Et à partir de cette dent, ils ont dessiné un crâne, un corps, ils ont même dessiné l'épouse de ce soi-disant homme de Nebraska. Donc, il ne manquait que la photo de famille. Et par la suite, il s'est avéré que cette dent appartient à un sanglier exterminé et que ça n'a rien à voir avec l'homme de Nebraska. Et Darwin a basé sa théorie sur la ressemblance qu'il a constatée entre certaines créatures, dans le monde des animaux. La ressemblance qu'il puisse y avoir. Est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce que vous savez que l'homme ressemble à la pomme de terre, car dans les deux, il y a 46 chromosomes chez l'homme comme chez la pomme de terre? Est-ce que ça indique qu'il y a eu une évolution de la pomme de terre à l'homme? L'homme, il a une ressemblance qui arrive à 99% avec le rat dans le code génétique. Le code génétique humain a une ressemblance qui arrive à 99% à celui du rat. Est-ce qu'on va dire que le rat est le cousin de l'homme? Et les exemples sont très nombreux. Donc en quoi une ressemblance puisse indiquer l'évolution et la sélection naturelle et la mutation aléatoire? Si on suppose que tu as la même pointure avec un homme, est-ce qu'il y a un homme sensé qui va dire que forcément vous descendez de la même tribu ou vous êtes de la même famille? Et de toute manière, sachez que pour les musulmans, l'existence de cette ressemblance entre les créatures n'est pas une chose étonnante. Au contraire, car le Créateur est le même. Le Créateur est le même. Aussi l'existence de systèmes complexes et parfaits dans la nature. Dans la nature, il n'y a que des systèmes complexes. Comme je vous ai dit, n'allez même pas dans la nature, regardez en vous-même. وَفِي أَنفُسِهِمْ Comme Allah nous a dit. Médite sur ta propre personne. Le système respiratoire, le système immunitaire, le système de la vision, et ainsi de suite. Et tu verras des systèmes extrêmement complexes. La science n'arrive pas à comprendre, ni à expliquer la majorité des phénomènes qu'on a dans notre corps, et surtout dans le domaine immunitaire. Donc nous avons des systèmes extrêmement complexes et qui sont en plus irréductibles. C'est-à-dire tu ne peux pas supprimer une maille de la chaîne, sinon ceci conduira vers une instabilité et une déstabilisation de toutes les créatures. La moindre faille dans un des systèmes qu'on trouve dans la nature, conduit forcément à une instabilité dans les autres. Donc cette complémentarité entre les systèmes, et qu'ils soient irréductibles, comment l'expliquer? Il y a une chose qui est apparue comme ça, par hasard, par une mutation, mais comment expliquer tous ces systèmes aussi complexes? La théorie de Darwin ne peut pas expliquer l'origine de la vie. C'est pour ça que la théorie, elle part après l'existence de la première forme de vie, la première forme de vie sur Terre. Cette cellule primitive, et Darwin, il la voyait primitive parce qu'il ne connaissait pas, il n'y avait pas encore les microscopes et tous ces outils sophistiqués et développés qui permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Lui, il pensait que c'était un être très simple et très primitif. Donc, comment expliquer le début de la vie, l'arrivée de la première forme de vie sur Terre? Comment expliquer la conscience et l'intelligence qu'on trouve dans les créatures? Est-ce que tout ça c'est le fruit du hasard? Le hasard qui n'a pas d'intelligence, il donne des choses ayant une intelligence. Celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Donc il est impossible, rationnellement, qu'un système aussi complet, aussi parfait, soit arrivé par hasard et coïncidence. Chaque être doué de bon sens, chaque être qui raisonne correctement, il sait avec pertinence que chaque appareil a forcément un concepteur. Chaque conception a forcément un concepteur. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit c'est quoi la preuve de l'existence du Créateur, tu lui dis toi tu es la première preuve devant moi, tu es une créature, forcément tu as un Créateur. Et plus l'appareil où la conception est sophistiquée et complexe et développée, plus ceci indique l'ingéniosité de ce concepteur, de ce créateur, et la perfection de sa science et de sa sagesse. Aussi, la théorie de Darwin nous dit que les créatures ont commencé à partir de la cellule unique ayant un seul génome, un seul génome. Donc selon lui, c'est cette cellule autoréplicante ayant un seul génome qui est l'origine de la vie sur Terre. Et aujourd'hui, on sait que ça, c'est complètement faux. Il ne peut pas exister sur Terre. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais sur Terre un être vivant possédant moins de 397 génomes. Et cette vérité scientifique rend caduque toute la théorie de Darwin. Car lui, pour lui, on a commencé avec la cellule autoréplicante qui possède un seul génome. Mais aujourd'hui, la science a démontré que l'être le plus simple qui existe possède 397 génomes. Et en dessous de ce chiffre, ne serait-ce que d'un seul génome, il ne pourra pas rester en vie un seul instant. Il faut savoir, mes frères, que la théorie de l'évolution représente le point axial et le pivot central sur lequel s'appuient les athées. Car ils voient en cette théorie la seule alternative pour expliquer le début de la création, sans avoir besoin d'un créateur. C'est pour ça, si tu arrives à montrer l'invalidité de cette théorie et qu'il n'y a pas eu cette évolution de laquelle il parle dans la théorie, c'est que tu as fait tomber le pivot central de l'athéisme. Car toutes ces créatures que nous voyons autour de nous, ou bien elles ont un créateur, où elles étaient créées selon l'évolution et la sélection naturelle. Il n'y a pas une troisième alternative. Ou bien il y a un créateur, ou bien c'est la théorie de l'évolution. C'est pour ça que les athées sont prêts à tout, sauf croire en l'existence d'un Dieu créateur. Ce Richard Dawkins, il dit... Il dit que l'origine de la vie, peut-être qu'il vient de créatures sophistiquées et développées technologiquement qui habitent dans un endroit dans l'univers et qui sont venues sur notre planète et qui ont mis les débuts de la vie sur notre planète. Et il pense qu'il n'y a pas de mal non plus et que c'est tout à fait plausible que l'origine de la vie sur Terre soit des extraterrestres qui sont venus et qui ont mis les premières formes de vie sur Terre. Regardez, ces gens-là, ils sont prêts à tout accepter. C'est pour ça, vous constatez aujourd'hui, ils parlent beaucoup dans les médias d'ovnis, d'extraterrestres et dans les films et dans les dessins animés qu'ils propagent pour les enfants, ils leur montrent des gens qui habitent dans d'autres planètes, qui sont beaucoup plus sophistiqués que sur notre planète Terre. Tout ça pour, yani, c'est des choses pour les préparer à accepter ce genre de théories qui n'ont aucun fondement scientifique. Donc, Donc lui, il n'est pas contre l'idée qu'il y a eu la création de la vie par des extraterrestres, par des êtres très sophistiqués, très développés. Lui, il n'a pas de problème par rapport à ça. Mais son seul problème, c'est le Dieu créateur. Donc croire en un Dieu transcendant, pour lui, c'est pas possible. Mais croire en des extraterrestres qui ont donné la vie sur Terre, ça c'est, il n'y a pas de souci. Il dit, comment je peux croire en Dieu alors que je ne l'ai jamais vu? Nous lui disons, est-ce que tu as déjà vu les extraterrestres? Est-ce que tu as déjà vu la première cellule autoréplicante de Darwin? Est-ce que tu as déjà vu un ancêtre commun entre deux créatures? L'ancêtre commun entre l'homme et le singe ou l'homme et le rat? Est-ce que tu as déjà vu une mutation aléatoire? Il n'a jamais rien vu de tout ça. Pourtant, il y croit. Et c'est pour ça, mes frères, je termine avec ça, car c'est l'heure de la salat. Je termine avec cette phrase qui est peut-être la phrase la plus importante que vous devez retenir. Et c'est une vérité. L'athée ne croit pas car il ne veut pas croire. Pas parce qu'il manque de preuves. Et ce point, je l'ai vérifié personnellement avec certaines personnes. J'ai constaté, plus je leur apportais des arguments évidents et incontestables, plus ils s'enfermaient dans leur athéisme. Et plus ils s'obstinaient dans leur égarement. Jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de poser la question à cette personne. Je lui dis, si il s'avère pour toi que l'islam c'est la religion de vérité, d'une manière incontestable, aussi évidente que ce que tu vois devant toi. Moi, tu me vois devant toi. S'il s'avère que c'est la vérité, est-ce que tu vas te soumettre à ton créateur? Tu deviendras un musulman? Il m'a dit non. Là, j'ai compris. L'athée ne veut pas croire. C'est pas qu'il manque de preuves. Je parle pas de tous les athées. Mais il y a parmi eux des gens qui ne veulent pas croire. Ils ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire. Regardez ce Richard Dawkins. Il est prêt à croire en des créateurs de toute catégorie, sauf le créateur sublime, le créateur transcendant, car il ne veut pas soumettre sa face à son créateur. Et ça a été dit, je l'ai lu dans des propos de Jean-Paul Sartre, qui est considéré comme le fondateur de l'athéisme en Europe, dans son livre Notebooks for Ethics, page 494. Il dit, si Dieu existe, l'existence est harmonieuse. Et s'il n'existe pas, alors l'existence sera effrayante. Ça, c'est des gens qui ont compris ce que c'est l'athéisme. Et c'est des purs athées. C'est le père de l'existentialisme. Et il sait très bien de quoi il parle. Son épouse, Simone de Beauvoir, qui est une athée également, une philosophe, elle a dit dans son livre « La cérémonie des adieux », elle parle de son mari, après son décès, dans la page 551, elle a dit, en rapportant de ce que son mari a dit vers la fin de sa vie, il a dit « Je sens que je ne suis pas une poussière, mais je sens que je suis un être attendu, préparé au préalable, un être qui ne peut être issu que d'un créateur. » Ça, c'est le père de l'athéisme, en Europe, à notre époque. Vers la fin de sa vie, c'est ce qu'il a dit, et c'est pas un croyant qui l'a rapporté. C'est une philosophe athée, son épouse Simone de Beauvoir. Et il y a d'autres choses que j'ai notées de Sartre. Là, qu'il le temps, peut-être qu'on les reportera à une autre fois. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité telle qu'elle est et de nous permettre de la suivre. Car la guider des cœurs n'appartient qu'à Allah. Et celui qui veut la vérité et qui cherche vraiment la vérité, il sera forcément guidé. Nous demandons à Allah de guider nos cœurs et de nous raffermir sur la vérité jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.